Elles me dirent qu'elles allaient à Thône, vieux château appartenant à Madame Gallet. Elles implorèrent mon secours pour faire passer leurs chevaux, n'en pouvant venir à bout elles seules. Je voulus fouetter les chevaux, mais elles craignaient pour moi les ruades et pour elles les hauts de corps. J'eus recours à un autre expédient. Je pris par la bride le cheval de Mademoiselle Gallet, puis, le tirant après moi, je traversai le ruisseau, ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe, et l'autre cheval suivit sans difficulté. Cela fait, je voulus saluer ces demoiselles et m'en aller comme un benêt. Elles se dirent quelques mots tout bas, et Mademoiselle de Graffenried s'adressant à moi, « Non pas, non pas, me dit-elle, on ne nous échappe pas comme cela. Vous vous êtes mouillé pour notre service, et nous devons en conscience avoir soin de vous sécher. Il faut, s'il vous plaît, venir avec nous. Nous vous arrêtons prisonniers. » Le cœur me battait. Je regardai Mademoiselle Gallet. « Oui, oui, ajouta-t-elle, en riant de ma mine effarée, prisonnier de guerre. Montez en croupe derrière elle. Nous voulons rendre compte de vous. Mais mademoiselle, je n'ai point l'honneur d'être connue de madame votre mère. Que dira-t-elle en me voyant arriver ? Sa mère, reprit mademoiselle de Graffenried, n'est pas à Thône. Nous sommes seuls. Nous revenons ce soir, et vous reviendrez avec nous. » L'effet de l'électricité n'est pas plus prompt que celui que ces mots firent sur moi. En m'élançant sur le cheval de mademoiselle de Graffenried, je tremblais de joie, et quand il fallut l'embrasser pour me tenir, le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut. Elle me dit que le sien lui battait aussi par la frayeur de tomber. C'était presque, dans ma posture, une invitation de vérifier la chose. Je n'osais jamais, et durant tout le trajet, mes deux bras lui servirent de ceinture, très serrés à la vérité, mais sans se déplacer un moment. Telle femme, qui lira ceci, me souffletterait volontiers, et n'aurait pas tort. La gaieté du voyage et le babil de ses filles aiguisèrent tellement le mien que jusqu'au soir, et tant que nous fûmes ensemble, nous ne déparlâmes pas un moment. Elle m'avait mis si bien à mon aise que ma langue parlait autant que mes yeux, quoiqu'elle ne dit pas les mêmes choses. Quelques instants seulement, quand je me trouvais tête à tête avec l'une ou l'autre, l'entretien s'embarrassait un peu. Mais l'absente revenait bien vite et ne nous laissait pas le temps d'éclaircir cet embarras.